Pellerin en balbutiait d'indignation et, croyant avoir trouvé un argument, « Molière, l'acceptez-vous ? » « Soit, » dit Sénécal, « je l'admire comme précurseur de la Révolution française. » « Ah ! La Révolution ! Quel art ! Jamais il n'y a eu d'époque plus pitoyable. »« Pas de plus grande, monsieur. » Pellerin se croisa les bras et, le regardant en face, « Vous m'avez l'air d'un fameux garde national. » Son antagoniste, habitué aux discussions, répondit « Je n'en suis pas, et je la déteste autant que vous. Mais, avec des principes pareils, on corrompt les foules. Ça fait le compte du gouvernement, du reste. Il ne serait pas si fort sans la complicité d'un tas de farceurs comme celui-là. » Le peintre prit la défense du marchand, car les opinions de Sénécal l'exaspéraient. Il osa même soutenir que Jacques Arnoux était un véritable cœur d'or, dévoué à ses amis, chérissant sa femme. Oh oh, si on lui offrait une bonne somme, il ne la refuserait pas pour servir de modèle. Frédéric devint blême. Il vous a donc fait bien du tort, monsieur. À moi, non. Je l'ai vu une fois au café, avec un ami, voilà tout. Sénécal disait vrai. Mais il se trouvait agacé, quotidiennement, par les réclames de l'art industriel. Arnoux était pour lui le représentant d'un monde qu'il jugeait funeste à la démocratie. Républicain austère, il suspectait de corruption toutes les élégances, n'ayant d'ailleurs aucun besoin, étant d'une probité inflexible.